Altesse. I am a million miles away. Do sai. I know you're waiting for me to come home again. Essayez de me comprendre. But I'm searching for an end. Le bal des ondes. Please try to understand. Altesse. Do sai. Essayez de me comprendre. Mets-toi à ma place. Okay. J'ai toujours eu du mal à me tourner vers la droite, je crains d'arabe de gauche. On nous encule depuis le général de Gaulle. En général, je passe mon temps sur des cahiers à remanier des mots, des rimes, des phrases que j'aurais pu recadrer. Je voulais être cadre, on m'a placé ouvrier. Le temps d'oublier son billet, torpillé parce que c'est compliqué. Appliqué à l'art de répliquer. Y'a pas d'erreur sur ma carte d'identité et qui est soninqué. Le sentiment d'être oublié, de débarquer d'ailleurs. Essayez de me comprendre, j'ai toujours voulu partir ailleurs. La France oublie les tirailleurs, la France oublie Dakar. Et mon enfant, je l'ai passé le cœur sur un brancard. Tiraillé entre le rap et le loyer. Lâche-moi la grappe, fils d'un pute, j'ai pas envie de finir au foyer. Et vous voyez ce que l'État fait de nos corps. Revoir ma terre natale, en attendant la nuit, j'en rêve encore. L'exception qui casse ton délire. Un tête descendant parmi les chiens de la casse qui veut plus rire. J'ai le cœur gros, plein de cicatrices. Mes souvenirs, laisse tomber, je crois en l'avenir. J'ai trouvé l'espoir dans le sourire d'une go. J'ai grandi dans cette banlieue, j'ai rien d'un voyou. J'suis juste témoin que l'engrenage a dérouté mes camarades. Mais voyons, vous faites quoi contre? Bah quand je veux un job, je trouve. Mes potos me disent, la couleur est un atout. Ma mère, cette soldat qui joue à le rôle de père. À défaut d'or, elle a toute ma gratitude. Elle a tant souffert à travers ses coups de gueule. Je lis qu'elle s'inquiète, mais de moi je sais qu'elle sera fière. Toujours prêt à remorquer mes proches en galère. Véridique comme ma section, je vais être millionnaire en bonne action. Persuadé d'avoir raison, malgré tant d'erreurs, je voudrais pouvoir compter sur vous tous si je suis dans le faux. Complications au centre au dépôt où l'on dépose des roses selon l'éducation. Et bien que nous en déplaise, nos vies sont en déclin. Des braises enfermées dans un écrin. Des petits vieilles qui pensent qu'à porter plainte. Planter mon corps parmi les tours, des tourments qui m'entourent. Moi je suis noir, politiquement gratteur d'espoir. Des brouillards dans chacun de mes faits, dans chacun de mes gestes et dans chacune de mes prouesses. Comme habitude, aller de l'avant, même si tu perds dans le vent. C'est pas pour ton gun à pique, je me mettrai à plat ventre. Altesse c'est moi, en mon flow j'y crois. Même si c'est en chaise roulante libre. Pour remonter la pente, je rêve d'une vie zépo. Entre la scène, la mif, ma tease, mon bif, ma voix dans l'est peau. Altesse tout ça, il s'est kiff kiff, j't'explique. On se connaît tellement bien que nos stylos se trompent demain. Essayez de me comprendre. Mettez-vous à notre place. I know you're waiting for me to come home again. Comprendrez. But I'm searching for an answer. Tellement de choses, de choses. Please try to understand. Tout ce qui fait ce qu'on est. Essayez de nous comprendre. Altesse, Dusai, le bal des ombres. Yeah.